L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Suite des quartiers musique cette semaine avec le groupe Moussodoums qui est parti à la rencontre de jeunes du collège La Fontaine à Laxou. Justine Loubette, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice du Nancy Jazz Pulsation et responsable notamment de cette action artistique. Un mot sur les quartiers musique, c'est un élément du NJP depuis de nombreuses années maintenant. Oui, effectivement, c'est une action qu'on développe depuis longtemps, une de nos premières et plus importantes actions artistiques qu'on a développée depuis 2 ans maintenant, tout au long de l'année scolaire, donc c'est-à-dire avec une session en automne et une session au printemps, qui malheureusement l'année dernière a été amputée par la crise sanitaire et que nous essayons tant bien que mal cette année de développer au printemps. Et donc avec le groupe Moussodoums, hein, qu'on a découvert à l'occasion du NJP l'année dernière, qui avait fait un concert au Parc Sainte-Marie, je crois. Exactement, le concert au Parc Sainte-Marie était donc concert des Moussodoums plus une restitution dans le cadre de la première session des ateliers des quartiers musique notamment. Et c'est un groupe avec lequel on travaille depuis longtemps aussi et qui avait déjà exposé sa création lors du festival. Alors le concept même des quartiers musique, ça consiste en quoi ? On travaille généralement avec deux quartiers, donc le plateau de Haye, les villes de Maxéville, Laxou et Nancy, et avec la ville de Vendeuve. Donc on est en partenariat avec des structures sociales que sont notamment la MJC Nomade et la MJC Massinon. Et le but est de proposer des ateliers artistiques à des enfants, des adolescents, dans le cadre d'ateliers à la MJC, et également un travail aussi dans les écoles de ces quartiers. Depuis 2 ans, donc maintenant ça s'intègre un peu plus longtemps sur l'année scolaire avec eux. Voilà, exactement. En fait, les actions artistiques se développent toujours pendant le festival et l'équipe nous est un peu frustrée et de pas pouvoir assister à ces actions. Et il y a également le fait de pouvoir créer des choses sur le plus long terme. Et la période du festival étant en octobre, il est toujours difficile de travailler sur une année scolaire avec la rentrée de septembre. Donc là, l'idée, elle était de développer tout au long de l'année et d'avoir un temps fort qu'on peut plutôt retrouver au printemps ou au début de l'été. Donc là, on avait un concert prévu à Poirel qui malheureusement n'aura, je pense, pas lieu. Et là, l'idée, c'est de pouvoir le développer dans les écoles ou sur les quartiers, peut-être cet été. Alors, un mot sur les Moussodoums, pour les connaître un peu plus. C'est des percussions qu'elles proposent essentiellement ? Voilà, c'est danse et percussions. C'est un collectif de 8 danseuses et percussionnistes autour des percussions donc, du Sénégal. Alors, le projet initial a un petit peu évolué, bien sûr, suite à la crise sanitaire. L'idée était de travailler également autour d'une création qu'on avait développée avec Boubacar Sissoko et Julien Petit, et donc d'avoir ce travail du Sénégal et d'approfondir ce travail avec les Moussodoums, c'est notamment sur des ateliers avec Meriem et Marielle qui font partie de cette compagnie. Donc la première session, les frontières étant fermées, Boubacar n'a pas pu venir pour collaborer avec Marielle et Meriem. Mais voilà, il y a un deuxième travail qui va être établi là, courant mars, et on espère en juillet avec Boubacar et Julien Petit. Ouais, j'imagine que pour les Moussodoums, de pouvoir s'exprimer en musique devant un public, ça doit faire plaisir après toutes ces semaines et mois d'arrêt. Ah oui, oui, oui, on était donc cette semaine, on a effectivement des ateliers avec la MJC Massinon. On est passé il y a 15 jours dans le cadre des ateliers de la MJC Nomade. Et c'est vrai que pour les enfants, pour les musiciennes, on sentait vraiment ce besoin de transmettre et le plaisir retrouvé de pouvoir faire ces ateliers en espérant pouvoir voilà les montrer au public dès que possible, en sachant que elles avaient aussi de gros projets pour la Saint-Nicolas qui ont aussi été avortés. Voilà pour les quartiers musique. Est-ce qu'il y a d'autres actualités pour le Nancy Jazz Pulsation? Je crois qu'il y a un tremplin aussi qui est en cours là, le tremplin de jazz du Grand Est. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Oui, c'est ça, c'est le Nancy Jazz Up, donc c'est notre tremplin. L'appel à candidature a été lancé. Toutes les formations jazz du Grand Est sont invitées à postuler. On monte un jury de professionnels du Grand Est qui sélectionnera 4 groupes qui se produiront le 10 mai à la Manufacture. Voilà, on espère devant un public et sinon ce sera bien sûr retransmis. On a également d'autres actions artistiques en cours avec les Défabriques SACEM, Donc c'est des ateliers dans les écoles, à Lunéville et à Toul qui se développent aussi en ce moment, et d'autres projets avec des partenaires privés, SLH et MMH, qui sont aussi en cours pour le mois de mai, juin et juillet. Et bien voilà, même si le Nancy Jazz Pulsation, ce sera en octobre, on l'espère avec du public, bien entendu, ce sera du 2 au 16 octobre, mais toute l'année, bien, il y a des choses qui se passent sur la Lorraine avec le Nancy Jazz Pulsation. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.